Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien à l'école de... Oui. Eh bien, vous êtes la directrice peut-être? Non, je ne suis pas la directrice. Il n'y a pas d'école après-midi. Ah, alors là, il y a un problème. C'est l'inspection d'académie. Nous sommes à la commission d'attribution des budgets pour l'école cette année. Oui. Je vous explique ce qui va se passer. Monsieur l'inspecteur qui attribue les budgets va donc décerner des enveloppes. Oui. On attribue de l'argent supplémentaire à chaque école. Oui. En disant à cet inspecteur qui vient de Paris que nous avons dans le département des écoles de sous-doués et de surdoués. Mmh. Donc il faut les encourager financièrement. Quoi, hein. Oui. Donc on va vous présenter comme étant un élève, si vous ne voyez pas d'inconvénient, de cette école. Et donc vous répondez comme vous pouvez. Et, Oui, je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Voilà, on a dit que vous étiez une école de sous-doués. Il va vous prendre, essayez de rajeunir votre voix. Hein. Oh. Inspecteur, nous avons donc l'école de sous-doué et nous avons une élève que vous pouvez interroger. Hein. Merci. Allô? Oui? Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Brigitte. Ah, c'est un joli prénom. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans. Bien. Tu es en quelle classe, Brigitte? Je sais plus. En maternelle. En maternelle. En maternelle. Oui. À 10 ans, tu es en maternelle, hein? Oui. C'est bien. Alors, peux-tu me dire qui était Charlemagne? Je m'en rappelle plus. Votre voix. Je sais plus. Charlemagne. C'est celui qui a inventé. C'est celui qui a inventé l'école. Tu es sûr? Oui. Oui, qui? Oui, monsieur. Inspecteur. Oui, monsieur l'inspecteur. L'académie. De l'académie. De Paris. De Paris. Bien, c'est bien, Brigitte. Tu es bonne en histoire, alors, hein? Un peu. Voilà. Alors, et en sport? Tu aimes bien le sport? Un petit peu. Votre voix. Oui, un petit peu. Voilà. Alors, tu vas me faire une galipette avant, pendant que je vais prendre mon dossier. Oui. Merci. Allô? Oui. Comment ça se passe? Je suis un peu perdu quand même. Hein. Non, ça se passe bien, ça se passe bien. Vous saviez qui était Charlemagne, de toute façon. Oui. Mais quand même, c'est pas évident hein, de... Il revient là. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? De faire une galipette en avant. Bon, vous pouvez la faire ou pas? Oui, mais de toute façon, il verra rien. Si, justement, il a une sacrée oreille et tout à l'heure, il y a des élèves qui ont essayé d'en faire une fausse à Pernon, il a trouvé. Vous pouvez la faire ou pas? Oh non, je pourrais pas la faire, hein. Je vais me casser la figure. Hein. Est-ce que vous pouvez au moins essayer? Oh, vous me demandez beaucoup de choses, là. C'est pour votre école, hein? Enfin, je vais essayer, mais... Voilà, merci. Allô? Oui? Brigitte? Oui? Bon, alors, tu es prête pour la galipette en avant? Oui. Alors, dans quelle position es-tu? Eh ben, je me suis mis à quatre pattes. Votre voix. Je me suis mis à quatre pattes. Bien. Alors, vas-y, Brigitte. Et tu me décris ce que tu fais, hein? Je mets ma tête par terre, en avant. Et puis... Mais j'arrive pas avec le téléphone. Comment? J'arrive pas. Faites un effort. Je peux pas. Qu'est-ce qui passe pas? Oh, écoutez, je peux pas, hein. Je peux plus continuer. Parlez doucement. Dites que vous l'avez faite. Ça y est. Je l'ai faite. Oh, la menteuse. T'as pas réussi, hein? J'ai mal à ma tête. Comment? J'ai fait mal à ma tête. J'entends pas bien. J'ai fait mal à ma tête. Bon, alors arrête là. Effectivement, c'est une école de sous-doués. Hein? Bien. Alors, on arrête le sport. Brigitte, tu vas me donner une récitation. Je sais pas. Vous n'avez qu'à chanter. Chantez ce que vous pouvez. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Bien. Alors, Brigitte, ben je crois que je vais donner une enveloppe à ton école. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. monsieur, l'inspecteur de l'Académie de Paris. Ah, mais moi, je ne suis pas inspecteur d'Académie, moi. Hein. Je fais des canulars téléphoniques sur la radio. C'est pas vrai.